Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une aventure architecturale et polémique, la Grande Motte. Le soleil du Languedoc, la douceur de la Méditerranée et des immeubles en béton, cette architecture peu conventionnelle dont les pyramides sont devenues symboles défraie la chronique au moment de la construction de la ville à la fin des années 60 et ce n'est pas fini, elle divise toujours. Un pari voulu par l'État français, créer une ville de toutes pièces pour rendre les vacances à la mer accessibles à tous. Un pari réussi, à voir les 120 000 touristes apparemment heureux qui se pressent chaque année sur les plages de la Grande Motte. Un pari très commenté également, tant l'œuvre de l'architecte Jean Balladur a fait preuve d'audace pour les uns, de mauvais goût pour les autres. Bref, des moustiques, un état et du béton, tels sont les acteurs principaux de la saga de la Grande Motte. Retour donc aujourd'hui sur ce chantier pharaonique, une utopie réaliste, puisqu'elle fut réalisée, mais qui fit scandale. Nos invités aujourd'hui, Estelle Rouquette et Agnès Barueul, commissaire de l'exposition paradisiaque de Fos-sur-Mer à la Grande Motte entre rêve et béton, qui sera présentée aux rencontres de la photographie d'Arles cet été. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacuboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La gare de Lyon, tête de pont vers les pays méditerranéens, a vu partir à bord des premiers trains spéciaux qui parlent d'îles, de plages et de soleil, ceux qui, soucieux de leur confort, ne croient pas aux improvisations. Il faut dire que l'improvisation, qui parfois ne manque ni d'audace ni de mérite, comporte pour ceux qui la pratiquent un certain nombre d'aléas. Il y faut même souvent une certaine grandeur d'âme. Mais il y a aussi ceux qui, trop organisés, ont la hantise de l'oubli, et pour qui une famille nombreuse ne simplifie pas la tâche. Et après 500 km, vous verrez qu'ils auront oublié la roue de secours. Été 1955, Charles Trenet chante National 7, du nom de cette route des vacances qui relie Paris au sud de la France. À l'arrière des dauphines, des deux chevaux et des déesses, les gamins râlent, ils ont chaud, soif, ont envie de s'arrêter. C'est quand qu'on s'arrête? C'est quand qu'on arrive? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas encore la clim et que la route est longue. Mais bientôt, en 1958, les trajets raccourcissent car la Nationale 7 est doublée de l'A7, la fameuse autoroute du soleil. La voiture individuelle qui se généralise, la troisième semaine de congés payés en 1961, puis une quatrième à la fin de la décennie, les vacances à la mer, autrefois réservées aux plus riches, se démocratisent à mesure que le niveau de vie augmente. Ce sont les 30 glorieuses, les fameuses 30 glorieuses, ces années de joyeux boom où les Français découvrent lave-vaisselle, transistor et station balnéaire. Les vacanciers partent en Bretagne, mais surtout sur la Côte d'Azur, et même plus au sud, sur les côtes ensoleillées et aménagées de la Costa Brava espagnole, où les vacanciers étrangers sont légion. Face à l'Espagne franquiste, bien dotée en infrastructures balnéaires, la France ne fait pas le poids et n'est souvent, pour les touristes venus d'Angleterre ou d'Allemagne, qu'un passage. Un manque à gagner en tout cas, dont le général de Gaulle, alors président de la République, est bien conscient. En 1958, le ministère de la Reconstruction devient le ministère de la Construction. Car il ne s'agit plus de colmater les dégâts de la Seconde Guerre mondiale, mais de penser le développement du pays en termes de progrès, de confort et d'innovation. Dans ce cadre, alors que l'économie française baigne dans la prospérité, le général de Gaulle décide en 1962 d'un plan, le quatrième depuis la fin de la guerre. Celui-là passe par l'aménagement territorial, une notion encore mal définie, mais qui va prendre tout son sens dans les années 60. Si le général entend réduire les inégalités spatiales, c'est que toutes les régions françaises ne marchent pas au même rythme. Certaines tournent à plein régime, comme la Côte d'Azur, qui attire chaque année les Français avides de peignades, de farniente et de bronzettes. Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, de Menton à Toulon, les hôtels sont remplis, les plages sont bondées, les glaciers sont comblés, bref, l'économie va bien. Mais d'autres régions peinent à suivre l'envolée des Trente Glorieuses et entachent par leur inertie le dynamisme du pays. C'est le cas d'une voisine de la Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon. Des vignobles, des moustiques et pas grand-chose d'autre. Économiquement languissante, peu diversifiée, la région bénéficie pourtant d'atouts de taille. Un climat agréable, des étangs, plusieurs villes anciennes au patrimoine prestigieux et surtout sa côte méditerranéenne. Un potentiel que le général de Gaulle et son gouvernement vont percevoir. Et c'est ainsi qu'est lancée en 1963 la mission interministérielle d'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, la MIALR. La mission Racine, c'est joli, du nom de son directeur, est un projet d'aménagement touristique très ambitieux, contrôlé par l'État, qui prévoit l'équipement de stations déjà existantes et la construction d'une ville nouvelle adaptée au budget des classes moyennes, la Grande Motte. La ville, dont les travaux s'achèveront dans les années 80, deviendra bientôt un emblème paradoxal, celui d'une utopie aussi réussie que décriée. La mission Racine, signée par le Premier ministre Georges Pompidou le 18 juin 1963, est dirigée par Pierre Racine, conseiller d'État et ancien chef de cabinet du Premier ministre Michel Debré. L'équipe associée à la mission dispose de crédits propres et ne dépend d'aucun ministère. Sa liberté d'action est donc exceptionnelle et ses moyens financiers adaptés à l'envergure du projet. Olivier Guichard, délégué à l'aménagement du territoire, justifie ainsi le choix du gouvernement. Bien, dans une civilisation où la part des loisirs ne cessera de croître, il est normal que l'État recherche des lieux encore vierges où puisse se développer cette civilisation. C'est ce qui nous a conduit à nous préoccuper de la côte du Languedoc-Roussillon et à envisager les infrastructures nécessaires pour que cette côte devienne un lieu de loisirs. Étant donné la taille des infrastructures en matière de communication, en matière de démoustication, en matière d'adduction d'eau, il fallait que l'État s'en préoccupe d'accord avec les collectivités locales. Monsieur Guichard, je voudrais vous demander si la formule que vous venez de mettre en avant ne risque pas de produire une espèce d'étatisation des vacances. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un système à la russe, si j'ose dire ? Absolument pas, puisque ce sont les infrastructures qui seront traitées par l'État, étant bien entendu que les travaux seront ensuite repris par des syndicats d'économie mixte départementaux et qu'ensuite ce seront les initiatives privées qui auront libre cours dans le cadre tracé par la mission de M. Racine. Si l'État a l'habitude des grands travaux, par définition, c'est quand même la première fois qu'il s'aventure dans le domaine de l'aménagement touristique. Et la tâche est lourde, car il ne s'agit pas de transformer une ville, mais une région tout entière, dont 180 km de littoral. En tout, la mission Racine prévoit la création de 6 unités touristiques, des cœurs urbains palpitants de vie qui alternent avec des poumons de nature sauvage, comme l'explique l'architecte Laurent Guerra. Les besoins des vacanciers était telle que 19 millions de Français allaient en vacances en Espagne. L'objectif était de préserver nos côtes. La lèpre des constructions commençait à s'étendre, à Palavas et ailleurs. Il était essentiel de créer des pôles de forte densité pour protéger le reste. Il faut bien vous rendre compte que pratiquement de la Grande Motte, il reste une petite station qui s'appelle Port Camargue, et après, le littoral est complètement libre sur toute la Camargue. Et c'est grâce à ces stations que des deux côtés, on a pu préserver les sites. En résumé, ce sera un principe cardinal. Aménager le Languedoc-Roussillon, mais contrôler le bâti pour éviter de dénaturer la côte par un trop-plein de béton. Bref, associer construction et préservation. La mission Racine agit vite. Dès la première année, en 1963, elle achète les terrains nécessaires aux aménagements. Mais en secret, et pour éviter la spéculation, du Gros du Roi à Palavas, les flots de Valras-Plage à l'embouchure de l'eau, de Saint-Pierre-sur-Mer à Gruissant, de Leucate au Barcarès, du Canet au Racou et aux alentours du Cap d'Agde, 6 unités touristiques et autant d'architectes en chef à qui l'État va donner les moyens de leurs ambitions pour équiper, remodeler, aménager. Jean Valadur, 38 ans, cousin d'Édouard, se voit confier l'un des projets les plus ambitieux de cette mission, la construction ex nihilo d'une ville balnéaire, la Grande Motte. Au seuil de la Camargue et du Languedoc, le domaine de la Grande Motte constitue la charnière de cette nouvelle Floride que l'État veut faire surgir des marécages. Jusqu'à présent, les chevaux sauvages et les cavaliers ont été avec le Mistral les seules âmes du marais. Dans 5 ou 6 ans, le galop des chevaux sera remplacé par le claquement sec des balles de golf. Il est prévu de créer ici une station balnéaire dotée de nombreux aménagements sportifs et comportant des villages de vacances de conception moderne. Août 1963, Monsieur et Madame Balladur, accompagnés de leurs 3 enfants, quittent la Côte d'Azur, où ils viennent de passer les vacances. Direction le Languedoc-Roussillon, où papa doit bâtir la station balnéaire de demain. Quand ils sortent de la voiture, Jean Balladur lit l'inquiétude dans les yeux de sa femme. Autour d'eux, en effet, rien d'autre que des marécages et une dune battue par des vents violents. Sur le sable, quelques tentes et des cabanons de guingois, traces de l'existence d'un tourisme spontané et populaire. Chaque année, quelques milliers de campeurs s'installent en effet sur la côte languedocienne où ils observent flamants roses, échassiers et ragondins dans le calme d'une nature sauvage. Et c'est avec nostalgie déjà que cet habitant du Languedoc raconte la côte qu'il a connue. Vous savez, à cette époque-là, sur la plage, là, entre le Ponant et la mer, on voyait beaucoup plus de taureaux que de gendarmes. Et puis, les vieux étudiants montpelliérains ne me contrediront pas, mais il y en a beaucoup qui ont fait des cours d'anatomie comparée. Même les étudiants en droit, dans les dunes de la Grande Motte, c'était un pays extraordinaire, un pays comme peut-être on l'a créé il y a des millions d'années. Pour nous, la Grande Motte, vous savez, c'est un symbole. On vous demanderait une seule chose, c'est de ne pas nous l'abîmer, c'est tout. Un pays millénaire est préservé donc, mais infesté de moustiques. Car la côte que les architectes de la mission Racine vont devoir transformer est hostile. Les eaux stagnantes des lagunes, des étangs et des terrains marécageux, parfois insalubres, accueillent une 50aine d'espèces de moustiques, un véritable fléau pour les promeneurs. Alors, avant de commencer à penser la Grande Motte, il va falloir sérieusement démoustiquer. Une lutte entre l'homme et l'insecte exaspérant s'engage alors à coups d'épandage chimique et d'opérations d'assainissement des terres humides. L'opération de démoustication du Languedoc-Roussillon durera près de 20 ans et coûtera 101 millions de francs. Pendant que les équipes de démoustication viennent à bout des nuisibles, Jean Balladur planche sur ce qui sera l'œuvre d'une vie. Une œuvre architecturale, mais une pensée également libre, indépendante, non dogmatique. Sous le soleil du Languedoc, Jean Balladur va brûler ce qu'il a adoré selon ses propres mots, c'est-à-dire rompre avec le dogme de l'architecture moderne auquel il a pourtant été biberonné aux Beaux-Arts. À la Grande Motte, les formes du bâti ne dépendront pas de leur fonction, comme c'était par exemple le cas chez Le Corbusier, non. Pas de formes austères et rationnelles, mais une architecture qui laissera toute sa place à l'homme, à ses choix, à sa liberté. Une architecture existentielle, si j'ose dire, car Jean Balladur a été l'élève de Jean-Paul Sartre avant de se former à l'architecture. À la Grande Motte, il renonce au minimalisme fonctionnel et efficace que lui conseillent pourtant financiers et constructeurs. Mais il échappe aussi à un autre modèle en vogue, le pastiche de l'architecture locale. Non, pas de fausses maisons de pêcheurs en fausses pierres, mais des immeubles bétonnés et assumés. Du béton, oui, les moyens de l'époque l'exigent, mais du fun aussi, c'est un peu le credo de l'architecte. Jean Balladur va exploiter la souplesse du béton en jouant sur les formes, les courbes, la monnaie nature en jargon d'architecte, comme il explique dans l'émission Forum des Arts. Il est exact que j'ai également restitué dans l'architecture contemporaine ce que l'on appelle la modénature. Vous savez que l'architecture contemporaine, jusque-là, s'est contentée, et ça je ne veux pas les dessiner, de réaliser des parallélépipèdes rectangles avec une modénature très sèche et très froide d'horizontale et de verticale. Et j'ai pensé, comme d'ailleurs à l'image de toute l'architecture classique, qu'il fallait, et le béton le permet, reconstituer une modénature, c'est-à-dire des formes courbes, des alternances de courbes et de droites, qui redonnent une fête, qui redonnent véritablement un décor à l'ambiance d'une ville. Et le béton s'y prête très bien, c'est une matière liquide, Et dans la mesure où vous faites un moule une fois pour toutes, qu'il soit courbe ou qu'il soit droit, il ne coûte pas plus cher. Une fois que vous avez coulé le béton dedans, il prend la forme de ce moule. La forme principale de la ville, celle qui marquera les esprits, c'est donc la pyramide. Lors d'un voyage en Amérique du Sud avec sa femme, juste avant la commande de Pierre Racine, Jean Balladur a découvert Teotihuacan, une ancienne cité précolombienne située dans la vallée de Mexico. Il y a observé des temples, la structure pyramidale, justement, et la manière dont elles s'inscrivent dans les montagnes avoisinantes. C'est cette inspiration inattendue qui va diriger le travail de Jean Balladur, la Grande Motte. Comme un reflet des Cévennes, au loin, les pyramides doivent préserver l'harmonie du paysage, plus doux que celui des barres d'immeubles de la Costa Brava. Quand j'ai commencé à poser ces pyramides assises au bord de la mer, elles ont paru un peu étranges. Alors, les pyramides d'abord, parce que le Languedoc-Roussillon est une zone rigoureusement horizontale, avec la mer à son extrémité ici. Et il m'a semblé, en premier temps, que un profil pyramidal était un profil qui, parce qu'il assure un mouvement continu du sol à l'immeuble, recrée un relief artificiel et s'associe beaucoup mieux au site d'un paysage horizontal que, par exemple, une tour verticale qui a un côté agressif et qui est une rupture avec l'horizontale du sol. C'est vrai, parce qu'elles ne cachent pas l'horizon, les pyramides permettent aussi un accès de tous au soleil. D'autant plus que les immeubles sont orientés perpendiculairement au littoral. Pas de logements mal exposés donc, des terrasses partout et deux fois plus d'appartements avec vue sur la mer. Du soleil pour tout le monde, pas que pour les riches. Mais plus qu'une architecture, c'est une manière de vivre que Jean Balladur souhaite concevoir. Comme Le Corbusier à Chandigarh ou Oscar Niemeyer à Brasilia, l'architecte veut porter un projet de ville qui transforme la société en profondeur. Il veut offrir à des millions de personnes un cadre de vacances confortable, mais aussi susciter le rêve. Pour cela, Jean Balladur va rompre avec la tradition des villes balnéaires. Pas de grands hôtels, de villas, de promenades bordées de palmiers, ni d'inévitables casinos pour clientèle aisée. Non, la Grande Motte sera une ville praticable et intime. Une ville où l'on vit, où l'on joue, où l'on rit. Une ville en mouvement avec un surplus de douceur, d'humour et de surprise. Oh, la jolie plaquette de vente. Loin de se limiter à des immeubles d'habitation, Jean Balladur va donc concevoir une station diversifiée, jamais banale, riche de plusieurs atmosphères. À chaque quartier, son expression architecturale, son originalité. Immeubles collectifs, mais aussi maisons individuelles, commerces, terrains de sport, pistes cyclables, camping, villages vacances, églises, cimetières, Jean Balladur et son équipe se lancent dans une œuvre totale, un chantier fou dont les travaux dureront près de 30 ans. Nous sommes en 1963 et tout ne fait que commencer. Yeah. En 1965, deux ans après le lancement par l'État de la mission Racine destinée à faire du Languedoc-Roussillon un pôle touristique majeur en France, les premières machines de dragage apparaissent au milieu des marécages. Avant de commencer à ériger la grande motte sur ce terrain humide jugé inconstructible, il est indispensable d'assurer les fondements et ils ont intérêt à être solides. Il ne faudrait pas que la grande motte s'écroule comme un château de sable. Le chantier qui commence est pharaonique, et pas seulement pour les pyramides. Avant de s'attaquer à la ville, il faut assainir et désaliniser les sols, terrasser, remodeler. Ensuite seulement, pourra débuter la construction des réseaux électriques en eau potable et en eau usée, des bâtiments, des routes, des échangeurs, des parkings, des étangs et de la forêt. Dans un impressionnant balai, des machines de terrassement vont donc commencer par creuser le port de Plaisance et un plan d'eau. Le sable et la terre ainsi récupérés serviront à consolider les fondements de la ville. Pour la première fois, on pouvait faire naître sur le terrain une conception théorique, idéale. Cela, bien entendu, dans les limites autorisées par le terrain lui-même, sa matière, sa configuration. Or, ici, tout n'était que sable. Est-il vrai, monsieur O'Neill, qu'on ne bâtit pas sur le sable ? Si, certainement, car ce sable est porteur, et c'est bien là la matière, justement, qui doit permettre de faire l'assise de main de cette station. Tel est ce travail magnifique réalisé par cet engin, cette drague, qui, tel que vous le voyez, attaque avec son cutter et rejettera à l'arrière ce mélange sable et eau qui servira à faire ses plateformes. Ce travail est terrible, il est difficile, il imposait des disciplines, il a permis de réaliser sur une moyenne de 35 000 mètres cubes jour un travail titanesque en moins de un an. En tout, 6 millions de mètres cubes de sable vont être extraits, lavés, assainis avant de servir de base à la ville qui sera élevée de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un défi d'autant plus considérable que les conditions climatiques sont souvent difficiles sur ce littoral extrêmement venteux où les tempêtes de sable peuvent ensevelir en 5 minutes les efforts d'un jour. Pierre Racine, le directeur de la mission qui porte son nom, évoque dans les médias d'ailleurs une mission impossible du nom de la série américaine. Combat contre les éléments compliqués par la frilosité des promoteurs réticents à investir sur ce site inhospitalier. En 1966, la région organise une visite destinée aux grands promoteurs parisiens et c'est un fiasco. Personne ne veut investir dans ces drôles de pyramides qui rompent violemment avec l'architecture traditionnelle des villes balnéaires. Qui voudrait venir en vacances dans de tels immeubles et au milieu de nulle part ? Certes, il y a la mer, mais c'est tout. La végétation, très importante, qu'a prévu Jean Balladur, a été plantée mais n'a pas encore poussé. Alors, difficile pour le promoteur et les banquiers de se projeter. Difficile aussi pour le général de Gaulle qui vient visiter la ville en octobre 1967 en hélicoptère. La ville, ou plutôt un immense terrain vague où Jean Balladur et Pierre Racine n'ont pas grand-chose d'autre à lui montrer qu'une maquette. Mais il fallait s'y attendre. Le président de la République ne fait pas preuve d'un enthousiasme débordant. Intéressant, juge-t-il, devant les explications de l'architecte, avant de se féliciter tout de même de la réussite future du projet. Le tourisme, les loisirs sont une part fort importante de la civilisation moderne. Et la France l'a compris un peu partout, et je vois qu'elle l'a compris spécialement ici. Encore une fois, je m'en réjouis, c'est une activité de plus que notre pays ajoute à toutes les siennes. C'est en outre un débouché nouveau pour ses enfants et c'est un service qu'il rend à l'humanité tout entière qui, dans le dur labeur de notre époque industrielle, a besoin de trouver des lieux organisés pour son repos et pour reprendre ses forces à tous les égards. Malgré l'ampleur de la tâche, malgré la réticence des promoteurs, Pierre Racine tient bon. Il fait confiance à Jean Balladur et maintient le projet de la Grande Motte tel que l'architecte l'a pensé. Bien vu, oui, car sa détermination commence à payer. Quelques promoteurs locaux décident de prendre le risque d'entreprendre alors que les travaux de remblaiement ne sont pas encore terminés. On les appellera cela les pionniers de la Grande Motte. L'un d'eux, Antoine Sanchez, décide d'ouvrir un bureau de vente sur le chantier encore en cours. Il compte séduire les curieux, les audacieux. et en quelques semaines, il enregistre 1800 demandes d'information, mais ne vend que 2 appartements. En février 1967, la Grande Motte ne compte donc que 2 propriétaires. Puis 2, puis quelques dizaines d'autres, qui doivent attendre décembre 1968 pour voir les 2 premières pyramides achevées, le Provence et le Grand Pavois. Dès l'été suivant, ces vacanciers téméraires viennent passer leur premier séjour dans une ville encore largement inachevée. 2 pyramides et autour, le vide. La nuit, quand les machines s'arrêtent et que les ouvriers rentrent chez eux, la Grande Motte se perd dans le silence et dans l'obscurité. Dans les pyramides, seules quelques ampoules brillent dans le noir. Les photos de ces vacanciers, pas comme les autres, largement diffusées par la presse, vont accélérer le succès commercial de la Grande Motte. Car l'ampleur du programme d'aménagement de la région suscite l'intérêt des médias qui consacrent régulièrement des reportages au chantier. Des publications comme Paris Match, qui titre « Voici la Floride de demain », le Languedoc ancre pour longtemps le cliché d'une ville futuriste, inspirée par l'American Way of Life et sa foi dans la société moderne. Le RTF diffuse des reportages qui sonnent comme des spots publicitaires pour la Grande Motte où, dit le commentateur, le futur se vit déjà au présent. Aujourd'hui, en 1970, la Grande Motte a déjà une histoire. Ses pyramides ont paru dans tous les journaux du monde. Avec sa plage en pente douce qui s'étend sur 4 km, son port de plaisance d'une capacité d'accueil de 1000 bateaux, elle est une sorte d'oasis de soleil pour les passionnés de nautisme et un paradis pour les piétons. Aucune voiture ne circule en bord de mer, chacun peut ainsi se retrouver, se détendre, se promener sans contrainte. La technique a été asservie pour rendre la vie en vacances plus agréable. C'est ainsi que la capitainerie est la plus moderne et la plus fonctionnelle qui soit. À la Grande Motte, le futur vit déjà au présent. L'été, un aviplane assure les liaisons avec d'autres stations du littoral et ne manque jamais de susciter intérêt et curiosité. Liberté de choix, dépaysement, maîtrise du climat, telles sont les lignes de force de la composition de la Grande Motte. Et c'est vrai. Bref, le futur a de l'avenir. Mais tandis que certains voient dans la Grande Motte la possibilité d'un futur à l'américaine, d'autres évoquent l'URSS. Oui, un procès intenté régulièrement par les détracteurs du projet qui parle d'une station d'État, de cité dortoir et de taupinière. Et lorsqu'on critique le choix de l'habitat collectif, la condescendance, voire le mépris affleure parfois. Mais oui, qui aurait envie d'aller passer ses vacances à Béton-sur-Mer, se demandent certains. En gros, aller à la Grande Motte, ça fait prolo. Ceux qui passent leurs vacances à la Grande Motte ne manquent pas. Au début des années 70, tandis que la ville prend forme, les touristes arrivent chaque été, toujours plus nombreux. Des originaux peut-être, qui se rêvent en aventuriers des temps modernes, séduits par l'architecture baroque de Jean Balladur. Des familles surtout qui apprécient le côté pratique, les dimensions à taille humaine de cette ville où les petits peuvent rouler à vélo sans risque. Une ville bétonnée, oui, mais bien conçue et agréable à vivre. Promenade, baignade, cornets de glace et apéro, la Grande Motte est l'écrin parfait des vacances telle qu'elle se transforme au XXe siècle, un écrin conçu pour être vivant, comme l'explique Jean Balladur, l'architecte en chef. Au départ, il y a eu une certaine hostilité, parce que c'est un paysage évidemment nouveau et étrange qu'ils ont vu surgir sur les sables de la Grande Motte. Et puis, de proche en proche, parce que l'échelle de l'espace urbain est effectivement à une échelle humaine, et je me suis empiriquement beaucoup appuyé sur ce qui existait déjà, en étudiant la longueur des quais de port que je connaissais, en regardant de très près comment, dans les vieux villages ou dans les cités estivales, l'échelle des petites places ou des rues avait été organisée, en essayant de retrouver ces échelles. Parce que cette échelle est bonne, de proche en proche, ils ont retrouvé une ambiance qui soit une ambiance vivante, et la Grande Motte vit très bien actuellement. En outre, ils ne sont pas peu fiers, après tout, d'être dans un site architectural qui est extrêmement différent de tous les sites qui se sont créés dans le monde et partout ailleurs. Oui, bon, l'architecture est un peu agressive, d'ailleurs l'architecte le reconnaît, mais elle ne laisse pas indifférent. Elle amuse, elle surprend, et puis on s'y fait car l'ensemble est harmonieux. Jean Balladur, l'architecte en chef, distribue les permis de construire. En tout, près de 80 architectes le seconderont pendant les 30 ans que durera la construction de la ville, dans le respect de l'esthétique imaginée par l'architecte parisien. Aux immeubles pyramidaux s'ajoutent d'autres formes, des conques, des bonnets d'évêques, et toujours ces balcons fantaisistes comme autant de bulles, de fleurs et de coquillages en béton. Une esthétique qui se veut onirique, où les noms des immeubles sont autant de promesses d'évasion, le Poséidon, dessiné par Gilles Balladur en 1981, l'Équateur, de Robert Dussud, en 1983, mais aussi les rayons verts, le Khéops, l'Éden, le Temple du Soleil. Ce qui génère, par exemple, ces quelques commentaires d'estivants à la fin des années 70. La forme architecturale d'ensemble est intéressante, elle est assez astucieuse en somme, mais il est évident qu'on se retrouve devant de grands immeubles collectifs et que ça risque, disons, de ne pas plaire à certains. Ah, l'architecture, ça plaît pas, c'est moderne, quoi. Il faut qu'on s'habitue à tout. Ça me plaît vraiment, oui. Il y a des principes de construction qu'on trouve pas partout. Je trouve que l'architecture répond aux besoins actuels de cette plage qui n'avait pas été aménagée jusque-là, ou tout au moins pas suffisamment. Oui, il y aura son tank, mais c'est pas mal. Nous avons choisi de venir ici parce que nous sommes venus quelques jours, voyez, chez des amis, et cet ensemble extrêmement moderne nous a plu infiniment. Je trouve que c'est une très belle réalisation. Et tant si bien que nous allons prendre un studio, voyez, pour l'avenir, en tant qu'estivant, nous viendrons ici. Les plages sont magnifiques, elles seront certainement davantage lorsqu'elles seront organisées. La ville ne cesse donc de pousser au cours des années 70, sans pour autant contaminer la plage préservée du Grand Avers, juste à côté. Et ce qui pousse aussi à la grande mode, c'est la nature. Car Jean Balladur y tient, il s'est battu pour ça. Sa ville sera un jardin. Avec l'aide du paysagiste Pierre Pille, il réserve un tiers de l'espace urbain à la végétation. Une forêt de 80 hectares, des odorantes de pittosporum, des plantes locales, pins, pignons, tamaris, peupliers blancs, viennent compenser l'omniprésence du béton. Au fil des ans et des plantations, la grande mode devient alors une véritable ville verte, jusqu'à la fin du programme de végétalisation en 1993. 30 ans après le lancement de la mission Racine, ça y est, on peut le dire, la grande motte est née, telle que son créateur l'avait rêvé, bétonnée, oui, mais verte et humaine. Commune autonome depuis 1974, la ville accueille désormais 100 000 touristes par an, plus de 2 millions de visiteurs de passage. Le pari de Pierre Racine et de Jean Balladur a été tenu. Les plages sont noires de monde, les pyramides affichent complet. Et si l'hiver, la grande motte se vide, elle est loin d'être la ville morte que l'on pourrait imaginer. De 2165 grands motois, on les appelle comme ça, en 1975, elle passe à 8600 en 2014. Des retraités, anciens vacanciers qui s'installent à l'année, mais aussi des familles, attirées par le cadre de vie calme, pratique, à proximité de Nîmes et de Montpellier. L'État français avait commandé une station balnéaire à Jean Balladur, mais c'est une ville que l'architecte a créée. Alors, la grande motte, on aime ou on n'aime pas, oui. Mais dans tous les cas, la France du général de Gaulle a atteint ses objectifs. En 30 ans à peine, une ville est sortie des marécages. Les cabanes de paille sont devenues des pyramides et le Languedoc-Roussillon une destination majeure en France pour des vacanciers en quête de soleil. Une destination populaire qui fait sourire ou pleurer les plus snobs d'entre nous, mais qui a reçu en 2010 le label patrimoine du XXe siècle, jamais attribué à un ensemble urbain. Car la grande motte, c'est l'expression unique de l'époque où elle est née. Un moment historique, les Trente Glorieuses, où l'optimisme des uns faisait encore rêver les autres. J'ai la montre arrêtée, je sais même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. En regardant le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, plus besoin de se presser. Radio libre allumée, top, pas de publicité. Une chanson bien cotée, c'est le film de l'été. Me fait flipper de la tête aux pieds. Je commence à ranger, car ce soir terminé. Je serai sur la route avec vision futée. Je suis pas seul à rêver du ciel des palmiers. Et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime. pas besoin de penser, on ne peut pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable et bercé par les vagues. Petit corps bronzé, dévêtu de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis: qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit: petite boîte de nuit, soirée champ et whisky. Ambiance folie toute la nuit. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le Paris architectural de la Grande Motte avec deux invités, Estelle Rouquette et Agnès Barvol. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors vous êtes commissaire de l'exposition intitulée Paradisiaque, de Fos-sur-Mer à la Grande Motte entre rêve et béton, qui sera présentée aux Rencontres de la photographie à Arles du 2 juillet au 23 septembre. Deux mois hein, ce festival, c'est formidable quand même de pouvoir tenir, avoir l'occasion de tenir comme ça pendant deux mois. L'exposition Paradisiaque, ce sont des photos de la Grande Motte, mais aussi de Fos-sur-Mer et du parc naturel de Camargue. Donc ça va, c'est quoi? Ça fait trois lieux pour une même histoire. Qui veut me répondre? Estelle Rouquette, ah, peut-être? Oui. Alors, en fait, il s'agit de plus globalement montrer comment dans les années 60, le delta du Rhône a fait l'objet d'un projet gouvernemental. Mmh. Et vu de Paris, ce delta était à la fois désertique, sans intérêt, si ce n'est ben, l'intérêt de pouvoir y penser, pas n'importe quel projet, mais être une carte blanche sur laquelle on pouvait écrire plusieurs histoires. Et donc la première dont nous venons de parler, celle de la mission Racine et de l'aménagement du littoral languedocien, est concomitante avec l'aménagement de Fos, de la zone industrielle au portuaire, qui était là encore une entrée vers l'Europe du Nord, non pas pour le tourisme, mais pour le pétrole et pour des voies de communication. Et au milieu se trouvait une île, la Camargue, bien défendu par les deux bras du Rhône, et cette île que l'on a voulu, donc dans un même élan, protéger ou préserver de ce qui allait se passer de part et d'autre du delta. Alors, Agnès Barbel, je vais vous laisser la parole. Rappelons pour ceux qui n'y sont pas allés que cette région, ce littoral, est à la fois très beau et très curieux, parce qu'effectivement c'est un mélange de platitudes, hein, tout est plat. Il y a le béton de la Grande Motte et aussi d'autres stations balnéaires, Port Camargue. Et puis il y a un vrai charme, parce qu'il y a une nature qui est très préservée. Au Gros du Roi, on voit les flamants roses, on voit l'étang avec le sel qui devient rose, presque violet le soir, on voit les manades, la tradition aussi des éleveurs de taureaux. Enfin, il y a toute une culture, toute une ambiance. Il y a des terres viticoles qui sont importantes également. Et il y a cet équilibre-là qui est assez important. Est-ce que la Grande Motte, Agnès Barvol, s'inscrit comme un point d'orgue de cet ensemble-là? Oui, ce qui est intéressant là de voir dans la fin de ces années 60, c'est que ce paysage, ces histoires sont communes entre Fos-sur-Mer, la Camargue et cette partie du littoral languedocien. Il y a une histoire commune, il y a des activités communes aussi, que sont l'élevage, que sont, comme vous dites, les salins, une industrie aussi ancienne sur ces zones de la Camargue. Ces montagnes de sel, c'est très, il y a aussi très typique. Hein. Il y a aussi les cimenteries du côté de Fos, l'industrie chimique aussi du côté de la Camargue. Et puis j'ajoute, on terminera la carte postale, mais on parle quand même d'aménagement du territoire, donc du territoire, j'ajoute, ces plages préservées très longues, genre les Spiguettes, où on a une préservation de la nature qui est très très soignée. Exactement, et quand on entend Fos-sur-Mer, vous entendez par exemple la mer, et Fos-sur-Mer à partir de la fin du 19e siècle est une station balnéaire, elle a même un casino. Elle y accueille énormément de gens, de touristes venus de l'arrière-pays, et cela jusque dans les années 50. Et ce sont toutes ces traditions, ce style de vie commun qui va être totalement bouleversé par ces deux projets, celui de la Grande Motte et aussi celui de Fos-sur-Mer, qui a été le plus gigantesque des projets économiques. Et là aussi, les deux projets se répondent. D'abord, on est sur des zones laissées libres, les déserts. Deuxièmement, ce sont aussi, vous en parliez pour la grande mode, le gigantisme des chantiers. À celui du balnéaire, de l'économie touristique de la grande mode, répond celui du port de Fos, le port minéralier, le port pétrolier, et ensuite tout l'aménagement de la zone industrielle et la sidérurgie à l'arrière, qui a été le plus grand chantier du monde à l'époque. Alors, est-ce qu'on peut avoir un œil critique, quand même, Estelle Rouquette, par exemple, est-ce que l'harmonie entre cette modernité, ce besoin de consommation, le besoin de vacances, le besoin de consommation et la préservation de la nature, est-ce qu'il y a une harmonie? Est-ce qu'elle est réussie, oui ou non, très honnêtement? Alors, les Camarguais de l'île de Camargue, donc, vous diront que non. La Grande Motte est vraiment perçue comme une menace, de même que Fos, alors pas pour les mêmes raisons. La pression touristique d'un côté, donc qui s'est installée à la Grande Motte, et puis qui, dès les premières années de la réalisation de cette station balnéaire, a franchi le Rhône, bien sûr, et nous avons eu en Camargue une invasion. Les chroniqueurs de l'époque parlaient de menaces réellement, et opposés à cette menace, le moustique, qui n'avait pas, puisque l'île de Camargue n'a pas été démoustiquée, alors que le Languedoc, le littoral languedocien, oui, le moustique était devenu le seul rempart contre cette invasion. Donc on brandissait le moustique. Et... C'est une invasion contre l'autre, en fait. Contre la modernité aussi, la différence. Et puis tous ces gens qui campaient sauvagement en Camargue et qui menaçaient la tranquillité des Camarguais. L'autre menace, c'était l'intrusion d'un parc naturel régional qui a été imposé en même temps que l'on développait le tourisme en Languedoc et l'industrie du côté de Fos. L'État a pensé à préserver, et là vous avez tout à l'heure employé le mot préservation. Je pense qu'auparavant on ne pouvait pas parler réellement de préservation, c'était des zones incultes, voilà, dont on ne faisait rien, le littoral du moins, parce qu'alors après par contre les terres un peu plus hautes étaient largement cultivées, en Camargue notamment par la riziculture. Et la riziculture qui était pratiquée à grande échelle déjà depuis les années 40. Donc en fait, on va parler de préservation un peu à contre-courant, c'est-à-dire qu'on va opposer la préservation, on va dire voilà, cette île va devenir un poumon vert dans laquelle on va pouvoir venir se ressourcer quand on aura été bien pollué d'un côté et envahi de l'autre. Et donc on pense en Camargue à un aménagement en fait très sommaire, hein, qui enverrait tous les touristes au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui serait le seul lieu qu'on concéderait au tourisme, alors que dans les domaines agricoles, les propriétaires resteraient bien tranquilles. Et cette tranquillité n'était menacée que par une seule chose, c'était l'administration du parc naturel régional qui allait leur imposer des règlements de préservation, justement, d'un environnement qu'ils n'avaient pas pensé préserver jusqu'alors. Bon, merci pour votre réponse très complète, mais vous ne m'avez pas dit, toutefois, si vous estimiez ça harmonieux et réussi. Je vous pose la question à toutes les deux. Tiens, personne, il voilà, n'y aura pas d'échappatoire. Ouais. Alors moi, allez-y, vous avez la parole. Je continue. Ouais. Oui, donc la Grande Motte, pour moi, oui, c'est une réussite parce que c'est une œuvre. Comme une œuvre de Picasso, on ne va pas dire c'est beau, c'est moche. C'est réussi parce que je pense que le projet de l'architecte est pleinement abouti. Il est pensé dans les moindres détails, y compris le mobilier urbain. Les gens qui y vivent sont heureux. Ils parlent de paradis. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons intitulé cette exposition paradisiaque. Ceux qui font le choix de venir à la Grande Motte s'y trouvent bien. Et pour moi, aujourd'hui, oui, il y a une harmonie. Cette ville du soleil que Balladur a pensée vraiment comme quelque chose de solaire remplit sa mission pleinement. Elle est c'est pour moi. Et les espaces verts aussi, voilà, arriver à faire pousser sur cette terre inculte, sur du sable, une végétation pareille, un projet aussi qui est vraiment pensé entre Pierre Pillet les artistes aussi qui ont travaillé avec Pierre Pillet et Jean Balladur. C'est un vrai travail d'équipe aussi. Alors, Agnès Barbol, On entend, là, oui, la grande mode, c'est moche, c'est de mauvais goût, mais pourquoi tu vas en vacances là-bas? C'est des trucs de snob, ça? Bah, je pense que, de toute façon, là, c'est en train de changer. Je pense que le regard sur cette architecture est beaucoup plus positif depuis quelques années. On y retrouve, on y recherche, on y voit la qualité de l'architecture, de l'art de vivre, balnéaire de cette époque. On y voit un projet global, entier, qui est encore en grande partie préservé, même si certaines parties ont un peu évolué. Je pense que la grande mode, c'est un monde à part sur cette côte languedocienne et provençale qui, encore aujourd'hui, donne a un sens très fort pour les populations, même si elle reste quelque chose de totalement artificiel et d'implanté sur cet espace. Est-ce que c'est unique en France ? Cette configuration-là. Ben, cette configuration, on le trouve dans les autres stations réalisées sur la côte languedocienne. Mais donc c'était pionnier, quoi. C'était comme la première. Mais c'est vrai que c'est un des exemples les plus aboutis. Ça, c'est une évidence. Alors, on va écouter, parce que ça a beaucoup de charme, quelques courts spots publicitaires pour la grande mode. Hein. C'était alors, c'est pas au début, c'est en 1982. Donc, c'est maintenant après. C'est quand même un peu le début de l'exploitation. On va écouter. Nous, on a un appartement à la grande mode. Pas vous? La grande mode? En langue de Croussillon? Moi, je prends le soleil, la grande mode. Pas vous? La grande mode? En langue de Croussillon? Moi, je joue au tennis à la Grande Motte. Pas vous? La Grande Motte? En langue de Croussillon? Moi, j'ai l'habitude de pêcher à la Grande Motte. Pas vous? La Grande Motte? En langue de Croussillon? Moi, je joue au golf à la Grande Motte. Pas vous? La Grande Motte? En langue de Croussillon? Bon, on va le savoir, en langue de Croussillon. Quel regard vous portez, Estelle Roquette, par exemple, sur ce genre de communication? Je rappelle 1982. Oui, c'est assez naïf, moi. Je pense qu'il y a eu, en effet, une désuétude, à un moment donné, de la grande mode. Oui. C'est-à-dire qu'après cette modernité, même si elle était décriée, qui a été respectée, enfin, je pense que le geste architectural, même s'il n'était pas approuvé par tout le monde, était reconnu. Il y a eu ensuite, une espèce de popularité, enfin non pas popularité, c'était vraiment la station de Monsieur Tout le Monde, mais c'est justement là la réussite de Balladur, c'est que il a voulu la mer pour tous, c'était d'ailleurs l'objectif de la mission Racine, et tout le monde y est venu. Alors peut-être un peu trop de monde, peut-être pas forcément le voisin qu'on aurait aimé rencontrer sur la plage. C'est vrai que les plages étaient bondées. Je pense que voilà, il y a eu une espèce de revers à cette médaille qui était départ bien pensé. Pour moi, aujourd'hui, on revient... Réhabilitation, aujourd'hui ? Oui, on est sur... enfin, personnellement, je pense qu'il y a déjà une communication qui a beaucoup évolué. Ne serait-ce que cette labellisation patrimoine 20e, qui a quand même été la volonté de la mairie de la Grande Motte et qui a abouti, est une reconnaissance pour cette valeur architecturale. Et donc, il va amener un autre regard, forcément, sur ce qui n'est pas que du béton. Agnès Barol, le parc naturel de Camargue n'est pas une initiative isolée. Hein, d'autres parcs nationaux sont créés partout en France à partir des années 60 et 70. Et en 1971, je le rappelle, un ministère de l'Environnement est créé. Est-ce que c'est le début de l'écologie? Est-ce que, selon vous, la Grande Motte s'inscrit comme ça dans une pensée écologique qui en est à ses débuts? Est-ce que vous le voyez comme ça? Ben je pense que justement cette menace qui a été agitée, la bétonisation du littoral et des espaces naturels, des zones sensibles, a fait que l'on a pris des mesures de protection. Donc le parc naturel régional n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu, d'une part, Fosse et la Grande Motte, puisque c'est Olivier Guichard qui a pensé les trois en même temps. Oui. Voilà, donc le Conservatoire du littoral aussi est né en 1975 pour protéger, vous parliez du des plages du Grand Travers tout à l'heure. Oui. La volonté, juste à côté, c'était hein. à côté, c'était justement de concentrer l'urbanisation sur des points bien délimités et de laisser les zones sensibles naturelles. Et le Conservatoire du Littoral avait a toujours d'ailleurs cette mission-là. Alors, je rappelle que, oui, Agnès Barbeau, oui, vous voulez ajouter quelque chose. Oui, simplement un petit point sur Fos, justement, parce qu'on parle de préservation. C'est vrai que le site de Fos a vu, dans les années, au début des années 70, naître aussi le sentiment, avec l'idée de la pollution, un sentiment écologique fort. D'abord, il a fallu mesurer la pollution, mettre des normes, et ça, c'est l'État qui va normaliser la pollution. On voit aussi René Dumont, par exemple, en 1974. Qui était le candidat écologiste à l'élection présidentielle de 1974 et qui nous a fait le coup du verre d'eau en disant « Oui, cette eau que je bois, ça vous paraît rien, hein, l'eau, c'est facile. Eh ben, c'est précieux, l'eau. » C'était lui. Hein. Voilà. Mais il vient à Fos, il rencontre les pêcheurs de Fos, effectivement, qui à ce moment-là se battent pour une meilleure qualité de l'eau. Et il va devant les usines sidérurgiques. Donc, c'est intéressant de voir comment... pollution et préservation vont aller de concert aussi dans cette histoire. Alors, il nous reste deux minutes, on va parler de l'expo de cet été, entre rêve et béton. Ça, c'est le sous-titre de l'exposition, le titre, c'est paradisiaque. Alors, ce sont des photos de la Grande Motte, mais aussi de Fos-sur-Mer et du parc naturel de Camargue. On l'a dit, hein, c'est comme un triptyque, cette affaire-là. Ben, qu'est-ce qu'on va y voir? Tiens, mettez-nous, mesdames, l'eau à la bouche. Enfin, on va y voir beaucoup de documents en images, et c'est vrai que l'image, ça rend le contraste entre le rêve de ces projets et la réalité de la chose. Donc on va voir des cartes, des vues aériennes, puisque tout d'abord ces projets vont être vus d'en haut parce que leur gigantisme fait qu'il fallait se décoller de la terre pour bien les imaginer. Ensuite, on va voir des photos, des ensembles de photos de photographes qui vont être engagés dans ces années-là. Par exemple, Jacques Winnenberger qui va venir à Fos dans les années 70 et qui va pendant 5 ans, jour après jour, photographier les ouvriers de Fos, les gens vivant dans les caravanes et tout le bouleversement de cette zone. La même chose aussi, effectivement, avec d'autres photographes sur la Grande Motte qui va enregistrer, photographier, montrer au quotidien la vie de ses premiers habitants. Et effectivement aussi, on va voir quelques exemples à côté de l'exemple de la Grande Motte, d'architecture et de plans autour de modèles ou de modules architecturaux qu'on va voir aussi bien sur la partie industrielle que sur la partie, effectivement, de la Grande Motte. Estelle Roquette, c'est, toute dernière question, c'est une première, c'est une initiative inédite, ça, cette expo. Il y avait déjà eu, comme ça, la région a été mise à l'honneur par d'autres expos. Mais la Grande Motte, c'est la première? Oui. En fait, ce qui est une initiative, c'est vraiment d'avoir mis ensemble pour montrer la concomitance des trois projets. Fameux triptyque. Oui. Absolument. Merci infiniment Agnès Barbol et Estelle Roquette. Et rendez-vous donc à Arles cet été. Merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, La Grande Motte, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique, hein, puisque j'en suis au remerciement, nous sommes jeudi. Donc merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Simon Maisonneuve, Adrien Cara et Jeanne Maillard. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, David Jacques Boviez.